cher parent et toi mon frère. Je prends le large pour mon sauvetage, pour mon sauvetage. Car ici le port s'est éteint. Plus d'encre, alors je feins. Là ma mère voile mon amarrage. Mais ne roulant plus de naufrage, je pars pour d'autres escales. Car ici ne rôde que le mal. Naufrageur, naufragé de mes pensées. Amarreur, amarré sans pitié. Lâchée telle une bouée dans la mer. Abandonné sous des amphidémies. Portera les souvenirs, ma souffrance, mon empire, qui saigne mes vers sous un soupir dans l'espoir d'un devenir. Je m'en veux déjà de vous abandonner, de vous abandonner. Moi qui pars vous sur le quai. Que trop absent. Les courants m'entraînant vers le large. Étreint d'orgueil dans bagage. Je ne laisse que l'amertume. Que l'amertume d'une cigarette. Solis qui fume. Excusez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. N'oubliez pas, je suis là. Moi votre fils, toi mon frère. Toi mon frère. Qui sort d'un naufrage dans la mer. Emportera les souvenirs, ma souffrance, mon empire, qui saigne mes vers sous un soupir pour l'espoir d'un devenir. Ne cessera.